Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, Lost in Space sur le 100 FM de Radioactive. C'est votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales diverses et variées. Et aujourd'hui, c'est un hommage à Husker Du, trio bruitiste punk très rapide dans un premier temps, parce qu'en fait ils vont évoluer ensuite vers un style un peu plus mélodique et psychédélique. Husker Du, ce nom quasiment imprononçable, était composé donc de trois personnes, avec Bob Mould qui fera une bonne carrière après derrière en solo, et puis avec Sugar aussi. Et on va attaquer directement avec eux, et des choses du même genre, comme d'habitude. Pour retrouver les titres de l'émission, rendez-vous sur la page de la radio ou sur Facebook. Et bah c'est parti, que dire de plus? Place à la musique, allez go! Going to the fruit. hell of an explosion and... Well, I guess that's all, sir. Le fauteuil craqua quand Christopher Adams sursauta, surpris par la voix. Puis il se souvint. Un nouveau voisin était venu s'installer de l'autre côté de la prairie depuis un jour ou deux. Jonathan le lui avait dit, et Jonathan était au courant de tout à 150 km à la ronde, de tout ce que disaient les hommes, les androïdes et les robots. Que sa voix était aussi cordiale et aussi aimable qu'il le souhaitait. En fait, il n'était pas content. Il était même un peu irrité, troublé par cette silhouette soudaine qui surgissait du crépuscule et traversait le patio. Il passa mentalement la main sur son front. C'est mon heure, se dit-il, l'heure que je me donne, l'heure où j'oublie les 1000 problèmes qui concernent d'autres étoiles, où je les oublie et me tourne vers l'obscurité verte et le silence et les jeux d'ombre subtils du coucher du soleil qui appartiennent à ma propre planète. Thank you. car ici, dans ce patio, il n'y a pas de rapport par mentophone, pas de classeur robot et pas de conférence de coordination galactique. Pas d'intrigue psychologique, pas de courbe de réaction des extraterrestres. Rien de compliqué ni de mystérieux. Quoique je puisse me tromper, car il y a du mystère ici, un mystère feutré, paisible, que l'on peut comprendre et qui ne reste mystère que parce que je le veux ainsi. Le mystère de l'engoulevent dans le ciel qui s'assombrit, l'énigme de la luciole dans la haie de lilas. Yeah! Une moitié de son cerveau savait que l'étranger avait traversé le patio et qu'il tendait la main vers un fauteuil pour s'y asseoir, tandis que l'autre moitié s'interrogeait de nouveau sur ces corps carbonisés qui gisaient au bord du fleuve sur la lointaine planète Aldébaran 12 et sur cette machine tordue enroulée autour d'un arbre. Pretty girls, pretty boys, have you ever heard your mommy shout, noise and noise? Noise and noise, I can tell by your trying voices, let it come to your ears, pick up your ears. You gotta give up your resistance, you gotta lose your fear. Close to your ear, noise and noise. Na na. 1934, à l'âge de 17 ans, je commence à écrire pour le magazine américain Weird Tales. nature. Not blinded by greed or the distractions of modern technology. Can't put the genie back. Can't put the genie back. Can't put the genie back. Welcome to a lifetime of disillusionment. Durant les 9 années qui suivirent, j'y ai régulièrement collaboré, écrivant également pour plusieurs autres magazines voués au supernaturel et à la science-fiction. En juillet 1943, pas moins de 80 de mes histoires avaient été imprimées. Les lecteurs semblaient les apprécier et, à part leurs commentaires, ce que j'avais écrit n'avait provoqué aucune autre réaction. Thank you. Then the sun disintegrates between the wild clouds. I saw the where I went to rap. No one is allowed there. C'est alors que Weird Tales publia mon histoire Yours Truly, Jack the Ripper, ou Votre dévoué Jack l'Éventreur. La situation changea. Quelques mois plus tard, cette histoire fut adaptée et présentée par l'un des shows radio nationaux les plus populaires. Peu de temps après, elle fut incluse dans un livre relié de Mystery Companion. Très vite, elle fut présentée dans d'autres programmes radio et réimprimée dans d'autres anthologies. Au cours des années, elle a été adaptée pour la télévision et publiée dans de nombreux pays à travers le monde. Je l'ai également enregistrée pour un disque. Aujourd'hui, 43 ans plus tard, elle continue à être incluse dans des anthologies. Avec Psychose, c'est probablement mon œuvre la plus connue. There's a fog upon LA, and my friends have lost their way. We'll be over soon, they say. Now they've lost themselves instead. Well, it only goes to show, and I told them where to go. You asshole! Ask the police on the street. There's so many there to meet. Please don't be long. Please don't you be long. Please don't be long, or I may be asleep. Now it's past my bed, I know, and I'd really like to go. Soon will be the break of day. We'll be right back. En conséquence, on m'a souvent demandé d'écrire à nouveau sur Jack l'Éventreur et j'ai raconté plusieurs histoires où apparaît ce personnage célèbre. Je l'ai même introduit à la demande des producteurs dans un épisode de la série télévisée Star Trek. Poussé par cet intérêt constant pour Jacques l'Éventreur et ses exploits criminels, j'avais peu à peu accumulé une grande quantité de livres et d'articles le concernant. La plupart d'entre eux s'ingéniaient à résoudre le mystère de son identité et proposaient des théories sur les raisons qui l'ont amené à commettre les meurtres qu'on lui attribue. Cry softly, oh child, who knows what's wrong?

Alors, la vie est faite d'accouchement. Oh, Christians into the synagogue, and I left there feeling blamed. No one can tell me what to do. They have not the capacity to answer me. What the world needs now is some answers to our problems. We can't buy more time, 'cause our tender isn't valid. If your soul needs love, you can get consoled by pity. But it looks as though faith alone won't sustain us no more. Watch a scientist throw up their hands, conceding progress will resolve it all. Saw the manufacturers of Earth's debris ignore another Greenpeace call. No one could tell me what to do. No one had the ability to answer me. What the world needs now is some accountability. We can't buy more time, 'cause time won't accept our money. If you're so can't always have my pity, but it looks as though faith alone won't sustain us no Né en 1960, d'abord journaliste économique, musicien, auteur-interprète et leader de l'un des groupes pop les plus célèbres de Norvège, Jon Nesbø a été propulsé sur la scène littéraire en 1997 avec la sortie de L'Homme Chauve-Souris, récompensé en 1998 par le Glass Key Prize, attribué au meilleur roman policier nordique de l'année. Il a depuis confirmé son talent en poursuivant les enquêtes de Harry Hole, personnage sensible, parfois cynique, profondément blessé, toujours entier et incapable de plier. On lui doit notamment Rouge-Gorge, Rue sans souci ou Les Cafards, initialement publié par Gaïa Édition, mais aussi Le Sauveur, Le Bonhomme de Neige et Chasseur de Tête, disponible au catalogue de la série noire. Job. I'm not blue-minded and I'm not a job. One man.

Une rumeur dans la communauté norvégienne de Thaïlande voudrait qu'un ambassadeur de Norvège mort dans un accident de circulation à Bangkok au début des années 1960 ait en fait été assassiné dans des circonstances des plus mystérieuses. La rumeur n'a pas été confirmée par le ministère des Affaires étrangères et le cadavre a été incinéré dès le lendemain sans que soit réalisée une autopsie officielle. Bangkok, le 23 février 1998. Yeah. Le feu passa au vert et le rugissement des voitures, des motos et des tuk-tuks s'enfla encore et encore à tel point que Dim put voir trembler les vitres du Robertson Department Store. Puis ils se remirent en mouvement et la vitrine dans laquelle était exposée la robe longue de soie rouge disparut derrière eux dans l'obscurité vespérale. Alkohol, du stellst in der Fremde, deine Welt schon sein, das ist das Ende.